le temple du Saint-Esprit. Paul emploie une autre image tirée du bâtiment, celle du temple de Dieu ou du Saint-Esprit. C'est l'image d'un édifice coûteux et précieux, avec 1 Corinthiens 6 au verset 19, où l'image renvoie au corps d'une personne comme étant le temple du Saint-Esprit. Paul, dans 1 Corinthiens 3, les versets 16 et 17, emploie l'image pour évoquer l'édifice le plus saint et le plus précieux qui existait au Proche-Orient dans l'Antiquité, le temple de Dieu. Lisez 1 Corinthiens 3, les versets 16 à 17. Que signifie « l'Église est le temple du Saint-Esprit » ? Contre quoi Paul nous met-il en garde au verset 17 ? De toute évidence, Paul n'a pas en tête, quand il parle de l'Église, un temple physique ou une résidence pour Dieu. Dans le Nouveau Testament, le grec fait une distinction entre un « tu » singulier, pour faire référence à une personne, et un « vous » pluriel, pour évoquer beaucoup de gens. Ici, il s'agit de ce dernier cas. Cette métaphore renvoie à une entité collective. Ensemble, les chrétiens de Corinthe forment le temple du Saint-Esprit et dans un sens spirituel, Dieu réside au milieu d'eux. Pour Paul, Dieu réside au sein de la communion chrétienne, d'où son avertissement « Quiconque tente de détruire cette communion devra apporter ou supporter les conséquences du jugement. » L'unité des croyants est au cœur de cette communion fraternelle et de la présence de Dieu dans ce temple. Bien que ce texte soit souvent employé au sens des soins à donner à son corps, ce que de toute façon les chrétiens sont censés faire, ce n'est pas l'idée principale de Paul ici. Son message est plutôt un avertissement au sujet de ceux qui veulent détruire l'unité de l'Église. Plutôt dans le chapitre, Paul a fait référence à ce qu'il considère comme un défi lancé à l'unité. « Il y a parmi vous des passions jalouses et des disputes. Cet état d'esprit et ses comportements représentent de réelles menaces pour l'unité chrétienne, et la présence de Dieu se retire de son temple. Ainsi, il veut que les membres laissent de côté les attitudes et les comportements qui menacent cette unité. Quand les conflits surviennent dans l'Église, les conseils de Paul aux Corinthiens sont toujours en vigueur aujourd'hui. Je vous encourage, mes frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous. Soyez bien unis, dans la même pensée et dans le même dessein. » Les passions jalouses, les disputes n'étaient pas simplement des problèmes que l'Église rencontrait à l'époque de Paul, nous les rencontrons également aujourd'hui. Quel rôle chacun d'entre nous joue-t-il pour résoudre ces problèmes sans menacer notre unité ?